première action à faire lorsqu'on arrive sur les lieux d'un accident, c'est de le signaler aux autres. Pour cela, tous les moyens sont bons. Les feux de détresse équipent tous les véhicules. Mais il n'est pas inutile d'avoir dans sa voiture un triangle de présignalisation, parce qu'il permet de prévenir les autres dans un virage ou dans un sommet de côte. Réponse A et C.